Victor sed victus. Victor en latin signifie le vainqueur et victus le vaincu. Styx et Averne sont des lieux symboliques du monde des morts dans l'Antiquité.